بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, nous ne t'avons pas révélé ce Coran pour t'accabler. إلا تذكرة لمن يخشى. Mais plutôt comme un rappel destiné à ceux qui craignent Allah. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Une révélation émanant de celui qui a créé la terre ici-bas et les hauts cieux. الرحمن على العرش استوى. Le tout clément qui s'est établi sur son trône. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur terre, ce qui est entre les deux ainsi que les profondeurs du sol. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. Si tu l'implores tout haut, sache qu'il connaît ce qu'on dit tout bas, comme il connaît les pensées les plus secrètes. Allah, la ilaha illa hu, lahu l'asma'ul husna. Allah, il n'est de Dieu que lui, il a les noms les plus beaux. Wa hal ataka hadith Musa. Qu'est-il parvenu l'histoire de Moussa? إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. Lorsqu'il aperçut un feu, il dit à sa famille: Restez là, je viens d'apercevoir un feu. J'y vais pour vous en apporter un tison ou y trouver un moyen de me guider. فلما أتاها نودي يا موسى. Lorsqu'il arriva au lieu du feu, il entendit un appel. Ya Moussa. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. Je suis ton Seigneur. Ôte tes chaussures. Tu es dans la vallée sacrée de Toa. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Je t'ai élu. Écoute donc ce qui va être révélé. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. En vérité, c'est moi, Allah. Il n'est d'autre Dieu que moi. Adore-moi seul et célèbre mon nom en prière. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Sache que l'heure du jugement dont bientôt je délivrerai le secret viendra inéluctablement pour que chacun soit rétribué selon son œuvre. Que ceux qui renient son avènement et qui ne font que suivre leur penchant passionnel ne t'en détournent pas, car alors tu te perdrais. وما تلك بيمينك يا موسى. يا موسى, dit le Seigneur, qu'as-tu là dans ta main droite? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسى répondit, c'est mon bâton. Je m'en sers pour m'appuyer et pour rabattre les feuilles pour mes moutons. J'en fais aussi d'autres usages. Allah dit, Ya Moussa, jette-le par terre. Et Moussa le jeta. Il devint aussitôt un serpent qui rampe. Reprends-le sans crainte. Nous allons lui rendre son état initial. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. Puis serre ta main sur ton flanc. Elle en sortira toute blanche, sans être entachée d'aucun mal. C'est un autre prodige. لنريك من آياتنا الكبرى. Ceci pour te montrer certains de nos grands signes. Va trouver Pharaon qui devient de plus en plus insolent. Moussa dit, Seigneur, ouvre-moi davantage l'esprit. Rends ma mission aisée. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aidez-nous les difficultés d'élocution que j'ai, afin que mes interlocuteurs comprennent bien mes propos. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Envoie avec moi un assistant des miens, mon propre frère, Harun. أشدد به أزري. Pour qu'il soutienne mon action. وأشركه في أمري. Et qu'il soit associé à ma mission. كي نسبحك كثيرا. Ainsi pourrons-nous être assidus dans ta glorification. ونذكرك كثيرا. إنك كنت بنا بصيرا. Assidu à bénir tes noms. Tu sais tout de nous. Allah dit, Ya Moussa, ta supplique est exaucée. Déjà nous t'avions accordé d'autres faveurs. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. Lorsque nous avons transmis à ta mère cet ordre. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Place ton enfant dans une corbeille. Jette-le dans les eaux où il sera poussé sur la rive. Il sera alors recueilli par un ennemi à moi et à lui. Je t'ai couvert de mon aménité, comme j'ai observé ta formation s'accomplir sous mes yeux. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. Peu après, ta sœur est allée te voir. Elle a dit à ceux qui t'ont recueilli: Puis-je vous indiquer une personne en mesure de prendre cet enfant en charge? Nous t'avons ainsi rendu à ta mère, afin qu'elle ait un regard heureux et ne soit point affligée. Tu as aussi commis un meurtre. Nous t'avons tiré d'embarras, comme nous l'avons fait pour d'autres épreuves que nous t'avons fait subir. Tu as séjourné plusieurs années à Madian, et te voici, Ya Moussa, venu au terme fixé. واصطنعتك لنفسي. Je t'ai en effet formé pour moi-même. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Va avec ton frère muni de mes signes. Ne vous lassez pas d'invoquer mon nom. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Allez trouver Pharaon dont l'impiété déborde. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Dites-lui des paroles conciliantes, dans l'espoir qu'il soit touché par votre rappel ou qu'il soit porté à me craindre. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Moussa et Haroun dirent: Ô Seigneur, nous craignons que Pharaon ne se précipite sur nous dans un excès de violence. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Le Seigneur dit: Partez sans crainte, je suis avec vous, je vois, j'entends. فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allez le trouver et dites-lui: Nous sommes tous deux des messagers de ton Seigneur. Laisse partir les enfants d'Israël avec nous et cesse de les maltraiter. Nous t'apportons un signe de la part de ton Seigneur. Que la paix soit sur celui qui suit la bonne voie. Inna qaduhiya ilayna anna al'adhaba ala man kazzaba wa tawalla. Il nous a été révélé que le châtiment frappera celui qui traite de mensonge les signes du Seigneur et s'en détourne. Qui est votre Seigneur, ya Moussa? Interrogea Pharaon. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Et Moussa de répondre: Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque créature sa forme propre et qui dirige tout être selon sa destinée. قال فما بال القرون الأولى. Pharaon dit: Qu'est-il advenu des générations anciennes? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Moussa répondit: La connaissance de leur sort est inscrite dans le livre de mon maître, sans erreur ni oubli. الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. C'est lui qui a aplani la terre pour vous, qui y a ménagé des voies pour vos déplacements, et qui a fait tomber l'eau du ciel, une eau avec laquelle nous avons fait pousser des espèces de végétation variées. Mangez-en et faites paître vos troupeaux. Il y a là en vérité des signes pour ceux qui savent réfléchir. C'est à partir de cette terre que nous vous avons créé, c'est à elle que nous vous ramènerons, et c'est d'elle que nous vous ferons sortir à nouveau. ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Nous avons montré tous nos signes à Pharaon qui les a tenus pour imposture, refusant d'y croire. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Il dit à Moussa, es-tu venu pour nous déloger de nos terres par ta magie? فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Qu'une rencontre soit convenue entre toi et nous, et que chacun s'engage à s'y rendre dans un lieu convenable. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. Moussa dit que ce soit le jour d'apparat, où la grande foule se rassemble au matin. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Pharaon se retira, il réunit ses forces, puis revint. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Moussa dit aux sorciers de Pharaon, malheur à vous, n'allez pas inventer des mensonges contre Allah, car il pourrait vous frapper d'un châtiment douloureux en effet. Les auteurs des œuvres mensongères sont toujours voués à la ruine. Les magiciens se concertèrent pour arrêter un plan secret. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Après quoi, ils proclamèrent, ces deux sorciers veulent nous chasser de notre terre par leur sortilège et saper ainsi notre noble tradition. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. Mobilisons donc toutes nos forces et présentons-nous en rang serré. Honneur à celui qui gagne aujourd'hui. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما Ils dirent à Moussa, qui de toi ou de nous veux-tu voir entrer en scène en premier? Moussa dit que ce soit plutôt vous-même. Aussitôt, par l'effet de leur sorcellerie, Moussa crut voir leurs cordes et leurs bâtons ramper comme des serpents. Moussa ressentit en lui-même une certaine frayeur. Nous lui avons alors dit, ne crains rien, tu auras le dessus. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Jette le bâton que tu tiens dans ta main droite. Il happera tout ce qu'ils ont forgé. Ce ne sont que des tours de magiciens. Or le magicien d'où qu'il vienne ne triomphera jamais. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Aussitôt les magiciens s'inclinèrent prosternés en s'écriant, nous croyons au Seigneur de Haroun et de Moussa. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Quoi ? Dit Pharaon, croire en lui sans mon autorisation ? Moussa est donc votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous couperai la main d'un côté et le pied du côté opposé et vous ferai crucifier sur les troncs de palmiers. Vous saurez ainsi qui, du seigneur de Moussa ou de moi, inflige le tourment le plus terrible et le plus durable. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Les magiciens répondirent: Nous ne pouvons plus te mettre au-dessus des preuves que nous avons reçues, ni te préférer à celui qui nous a créés. Tu décideras comme tu voudras, mais ton action se limite à la vie d'ici-bas. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Quant à nous, nous croyons désormais en notre Seigneur pour qu'il absolve nos forfaits et pardonne l'exercice de la magie auquel tu nous as contraints. En vérité, pour nous, le bien d'Allah est meilleur et plus durable. إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. En effet, celui qui se présente au Seigneur avec le crime d'impiété sera voué à la géhenne où il demeurera sans être ni mort ni vivant. Par contre, ceux qui se présentent à lui en croyant, ayant accompli de bonnes œuvres, seront promus au haut rang. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Dans des jardins d'Éden, baignés de ruisseaux, où ils vivront éternellement. Telle est la rétribution de ceux qui se rendent vertueux. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Nous avons ensuite révélé à Moussa: « Pars avec mes serviteurs à la faveur de la nuit, en frappant les eaux de ton bâton. » Tu peux te frayer un passage à sec dans la mer. Tu ne seras ni rejoint ni inquiété. Pharaon les poursuivit avec ses troupes, mais lui et les siens furent entièrement submergés par les flots. Ainsi Pharaon égara-t-il son peuple en le menant hors de la bonne voie. Ya bani Israël, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur laymana wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa. S'adressant au peuple de Moussa, le Seigneur dit: Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, nous vous avons délivré de votre ennemi, vous avons fixé un rendez-vous au flanc droit du mont Tour, et avons fourni pour votre nourriture la manne et l'écaille. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Mangez donc de ces bons aliments qui vous sont offerts et ne commettez pas d'excès, sinon ma colère vous frappera. Ceux qui encourent ma colère s'écroulent. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Par contre, je suis toute indulgence pour celui qui se repent, préserve sa foi, accomplit des œuvres pies et suit le chemin droit. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Allah dit à Moussa, pourquoi es-tu venu avant ton peuple ? قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى. Moussa de répondre, ils sont sur mes traces. Je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour t'être agréable. Allah dit, après toi, nous avons éprouvé ton peuple par une tentation. Wassamiri les a égarés. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Moussa, fâché et triste, retourna à son peuple. Il leur dit, votre Seigneur ne vous a-t-il pas fait une belle promesse? Avez-vous trouvé le temps avant son accomplissement trop long? Ou bien avez-vous simplement voulu encourir la colère du Seigneur en rompant vos engagements vis-à-vis de moi? قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Ce n'est pas volontaire, objectèrent-ils, que nous avons manqué ton rendez-vous. Seulement nous étions chargés de lourds bijoux et bracelets pris au clan de Pharaon, et nous les avons jetés au feu. C'est ainsi que Samiri fit fondre cet or dont il leur sortit le corps d'un veau mugissant. Ils dirent alors, voilà votre Dieu qui est aussi le Dieu de Moussa. Celui-ci l'a oublié. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ce veau d'or ne répondait point à leur appel et qu'il n'avait aucun pouvoir de leur nuire ni de les aider. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Pourtant, Harun leur avait auparavant dit, « Oh mon peuple, le veau n'est qu'une tentation pour vous. Seul le tout clément est votre Dieu. Obéissez-moi donc et suivez mes ordres. Et eux de répondre, nous ne cesserons pas de l'adorer jusqu'au retour de Moussa. Harun, ألا تتبعني أفعصيت أمري. En arrivant, Moussa dit: Ya Haroun, qu'est-ce qui t'a empêché en les voyant ainsi égarés de me rejoindre aussitôt? Es-tu donc passé outre mes instructions? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هارون répondit: Ô fils de ma mère, cesse de me prendre par la barbe et par la tête. C'est que j'ai craint que tu ne me reproches de diviser les enfants d'Israël et de ne pas observer tes consignes. Et toi, Samiri, qu'as-tu à dire? قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Celui-ci répondit: J'ai eu une vision qu'ils n'ont pas eue. J'ai ramassé une poignée de poussière prise sur les traces de l'ange messager que j'ai jeté sur l'or fondu. Telle fut mon inspiration personnelle. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسى dit alors à Samiri: Va-t'en, ton funeste sort dans cette vie est de proclamer intouchable, et dans l'autre vie tu as un rendez-vous que tu ne saurais manquer. Quant au faux Dieu que tu as passé ton temps à adorer, comme tu vois, nous allons le brûler et en jeter les débris éparpillés en mer. Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illa hu wasi'a kulla shay'in 'ilma. Seul Allah est votre Dieu. Il n'est de Dieu que lui. Sa connaissance s'étend sur toutes choses. Ainsi te relatons-nous une partie des histoires des prophètes qui t'ont précédé. Tu as reçu de notre part un rappel. Quiconque ne l'écoute pas aura à supporter le jour de la résurrection un lourd fardeau. Qui pèsera éternellement sur lui. Et quel sinistre fardeau pour lui ce jour-là. Le jour où il sera soufflé dans la trompe, les coupables d'impiété seront alors rassemblés devant nous, les yeux hagards. Se disant entre eux tout bas qu'ils ne sont restés que 10 jours sous terre. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا. Nous savons mieux que quiconque ce qu'ils diront, lorsque les plus avisés parmi eux affirmeront: Nous ne sommes restés qu'un seul jour. Les sceptiques t'interrogent sur les montagnes. Dis-leur qu'elles seront ce jour-là réduites en poussière. فيذرها قاعا صفصفا Elles deviendront comme des terrains nivelés. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا où l'on ne voit ni contour ni relief. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا Ce jour-là, les humains suivront sans broncher l'appel qui leur sera adressé. Leurs voix se feront très basses devant le tout clément. On n'entendra plus que chuchotement. Ce jour-là, aucune intercession ne sera acceptée sauf de celui que le tout clément y aura autorisé. Et dont la parole sera agréée par lui. Allah connaît le sort de tous, dans le passé comme dans le futur, alors qu'en eux-mêmes ils n'en savent rien. Ce jour-là, les visages s'inclineront devant le vivant, le subsistant. Misérables seront les porteurs d'iniquité. Par contre, ceux qui accomplissent les bonnes œuvres parmi les croyants ne risquent de subir ni injustice, ni frustration. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Ainsi t'avons-nous révélé ce Coran en langue arabe, en y multipliant nos avertissements afin qu'il suscite chez les sceptiques un sentiment de piété. Et une réponse favorable au rappel. Célèbre donc la gloire d'Allah, le souverain, le vrai. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que sa révélation ne s'achève, et implore Allah en disant « Puisses-tu, Seigneur, élargir mon savoir ?» Bien avant, nous avons conclu un pacte avec Adam, mais il l'oublia, nous l'avons trouvé irrésolu. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى En effet, nous avons ordonné aux anges de se prosterner devant lui. Tous s'inclinèrent excepté Iblis, qui s'y refusa. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا Nous avons alors dit à Adam, Satan est ton ennemi, à ton épouse et à toi. Prenez garde qu'il ne vous sorte du paradis, au risque pour vous de devenir malheureux. Dans ce paradis, tu n'auras à craindre ni la faim ni le manque d'habits. Tu n'auras pas non plus à souffrir de la soif ni de la chaleur du soleil. Mais Satan le tenta en lui disant, Ya Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité ainsi qu'un royaume impérissable ? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Adam et son épouse mangèrent de l'arbre interdit. Aussitôt, leur nudité leur apparut, et ils se mirent à se couvrir à l'aide des feuillages du jardin. C'est ainsi qu'Adam désobéit à son Seigneur et perdit sa voix. Par la suite, son Seigneur l'accueillit dans sa grâce. Il accepta son repentir en le remettant sur le bon chemin. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Et le Seigneur dit, descendez-en ensemble, chacun de vous est l'ennemi de l'autre. Si jamais vous recevez de moi un message de salut, celui qui le suivra ne sera ni égaré ni malheureux. Mais celui qui sera indifférent à mon appel vivra à l'étroit et comparaîtra aveugle le jour de la résurrection. Seigneur, s'écriera-t-il, pourquoi suis-je devenu aveugle au moment de la comparution, alors que je voyais auparavant ? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Il lui sera répondu, de même que tu as reçu nos signes et que tu les as oubliés, de même aujourd'hui c'est toi qui es oublié. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Telle est la sanction des dépravés qui refusent de croire à la révélation de leur Seigneur. Le châtiment de la vie de l'au-delà est plus terrible et plus durable. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي. N'ont-ils pas été édifiés par tant de générations que nous avons exterminées avant eux et dont les anciennes demeures sont aujourd'hui les lieux de leur promenade? Il y a là en vérité des signes pour les hommes raisonnables. N'eût été un décret déjà arrêté par ton Seigneur pour un terme fixé, un châtiment implacable leur aurait été infligé. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. Supporte donc patiemment tout ce qu'ils te disent et célèbre les louanges de ton Seigneur avant le lever et avant le coucher du soleil. Bénis son nom une partie de la nuit. Bénis-le matin et soir. Ce sera ton espérance de bonheur. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Ne porte pas ton regard sur les jouissances dont nous avons fait profiter certains groupes d'entre eux. Faste de la vie d'ici-bas, destinée à les éprouver. Le don de ton Seigneur est bien meilleur et plus durable. Ordonne la prière au tien et sois constant dans son accomplissement. Nous ne te réclamons point de biens matériels. C'est au contraire nous qui pourvoirons à tes besoins. Sache que c'est la piété qui l'emportera à la fin. Les infidèles ajoutent, pourquoi ce messager ne nous apporte-t-il pas un signe miraculeux émanant de son maître ? N'ont-ils pas reçu les preuves dans les Écritures anciennes ? أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. Si nous leur avions infligé un châtiment avant la révélation du message, ils auraient dit: pourquoi, Seigneur, n'as-tu pas envoyé un messager pour nous guider avant de nous faire subir l'humiliation et la honte ? قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Dis-leur, chacun attend le dénouement final. Attendez donc, vous saurez bientôt qui, de vous ou de nous, tient le bon chemin et suit la bonne voie.